Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En pédalo ou seul au boulot, en randonnée, dans une chaise longue ou tranquille dans la ville, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Cette semaine, oubliez Moby Dick, une série d'Aline Pénito réalisée par Gilles Mardi-Rossian. Au départ de cette série, il y a des vieilles histoires de baleines blanches tueuses qu'on voudrait battre en brèche et ce vieux rêve des amitiés tissées entre les hommes et les dauphins qu'on aimerait exaucer. Alors pour commencer, les personnages. Une nageuse gardienne, un chercheur à l'île de Sein, un savant qui torture, une soigneuse attentive, une éthologue aux petits soins, un vétérinaire délicat, une chercheuse à distance, un homme qui nage, Erandi et Jean Floc. Ensuite le décor, un zodiaque, de la houle, une île en mer d'Iroise, des expériences cruelles, des delphinariums, le parc Astérix, la captivité et des clics, des sifflements et des cris. Aujourd'hui, deuxième épisode, on est à bord. Donc pour moi, être sur un bateau, c'est la situation rêvée. Donc ça nous place dans un univers vraiment fermé. Donc on va vivre aussi au rythme des animaux. Et un soir, le bateau est ancré et comme voilà, c'est quand même très agréable comme situation de se trouver au coucher de soleil aux Bahamas, on est plusieurs à décider d'aller à l'eau. Donc je suis avec deux étudiantes. Et à ce moment-là, la personne qui est de garde sur le bateau, donc qui est en train de surveiller que tout se passe bien, nous dit qu'il y a un groupe de dauphins qui approche. Et là, on a trois femelles adultes avec cinq ou six petits. Donc déjà, on sait que ce groupe est constitué de femelles potentiellement avec leurs petits, mais aussi qu'elles font du babysitting, puisqu'il y a plus de petits que de femelles adultes. Et donc, on les laisse s'approcher. Et là, à notre grande surprise, les femelles vont s'éloigner de nous et elles vont nous laisser babysitter les jeunes dauphins. Et ça a été, en fait, sur le moment, je ne pense pas l'avoir réalisé parce qu'on était dans l'interaction, on prenait des photos, des vidéos. Et c'est a posteriori, quand on est remonté sur bateau, les personnes qui nous observaient nous ont dit « Mais vous avez vu ce qui s'est passé ? Les femelles sont parties. » Et effectivement, après qu'on a regardé les vidéos et puis les photos, effectivement, on était seuls avec les petits. Et là, pour moi, ça a été une prise de conscience parce que c'était la première fois que je voyais des animaux sauvages laisser leur progéniture à des humains. Donc là, ça m'a... J'ai eu un déclic en me disant « Mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour nous faire confiance ?» Parce que laisser ces jeunes à des inconnus d'une autre espèce, je trouvais ça extraordinaire. Le miroir des dauphins. Un documentaire d'Aline Pénito, réalisé par Gilles Mardi-Rossian. Savons-nous ce qu'il se passe dans la tête des dauphins? Peut-être que ces dernières années, les chercheurs et les chercheuses ont montré, chacun à leur manière, que les dauphins étaient des individus intelligents, sensibles, expressifs et dotés d'organisation sociale. Peut-être que pour cela, ils ont entremêlé des travaux en milieu captif et dans le monde sauvage, comme ceux de Céline Liré, directrice de l'Océanopolis de Brest, qui n'a pas hésité des années durant à partir en Zodiac dans un monde quelque peu hostile. Comme aujourd'hui, avec Philippe Leniot, directeur du parc marin de la mer d'Iroise. Alors, on est à l'île de Sein. On vient de traverser le Rat de Sein. Donc, depuis à la pointe du vent, il y a eu pas mal de houle quand même. C'est normal, les fonds remontent à cet endroit-là. Et le courant a contrarié un peu la houle, et donc c'était un poil plus agité. Là, on retrouve les eaux calmes, du chenal d'accès au port. On est quasiment à l'abri. Ouais, ça c'est l'entrée du port de Sein. On va les laisser à... comme le manage. Oh, Alors là, on est dans le port de l'île de Sein. On est à quai, à bord du bateau. Alors l'île de Sein, c'est une île qui se trouve à la pointe de la Bretagne. Et cette île fait partie du parc naturel marin d'Iroise, qui finalement couvre l'ensemble de la mer d'Iroise, qui est cette mer à la pointe de la Bretagne, comprise entre l'île d'Ouessant, l'archipel de Molène au nord, et l'île de Sein au sud. Alors c'est une mer située entre les eaux de la Manche, les eaux du golfe de Gascogne, la mer Celtique, hein, plus à l'ouest, donc énormément de brassage, et du coup, ça en fait une zone extrêmement riche, très productive. Donc on va avoir finalement tous les éléments de la chaîne alimentaire qui sont présents, avec même les prédateurs supérieurs, hein, les phoques et les dauphins. Évidemment, les vents, on les ressent, hein. C'est un climat qui est assez rude, on est sur un climat plutôt océanique. C'est comme si on était sur un bateau finalement quand on est à l'île de Sein. On subit évidemment quand il y a des tempêtes, le vent, on l'a en direct. Par contre, quand il y a du soleil, on en bénéficie aussi. Et puis c'est un climat très changeant. Et on trouve un groupe de grands dauphins. On a un groupe de grands dauphins qu'on appelle résidents, c'est-à-dire qu'il habite autour de l'île de Sein toute l'année. Son nom latin, c'est Turciops truncatus. Et c'est une espèce qui est assez massive, hein, le grand dauphin. Voilà. Alors la taille varie, mais le dauphin de l'île de Sein, on est aux alentours de 3,50 m hein, de long pour un adulte, avec une durée de vie proche de 35-40 ans. Les grands dauphins, en fait, c'est une espèce qui est présente dans toutes les eaux de la planète, au nord de l'Écosse jusqu'au sud de l'Afrique. Un grand dauphin au large, hein, un grand pélagique, est capable de sillonner des centaines de kilomètres. Là non, en fait, ils vont rester sur une surface extrêmement définie, hein, délimitée. Et ici, à l'île de Sein, en fait, le groupe vraiment occupe un périmètre très restreint autour de l'île de Sein. Il est encore plus spécifique, ce groupe. Le groupe qui est présent autour de l'île de Sein est très particulier, puisqu'en fait, quand on compare avec tous les autres groupes côtiers qui existent dans le monde, hein, puisqu'il y en a un peu partout, hein, malgré... on va en retrouver en Europe, on va avoir des groupes en Écosse, en Angleterre, en Irlande, en Espagne, au Portugal, voilà, on va vraiment trouver ce type côtier, hein, des groupes résidents un peu partout. Alors, celui-ci, en fait, c'est la plus forte densité au monde. Le groupe de l'île de Sein, c'est un effectif réduit d'individus qui occupe une surface finalement extrêmement petite. Aujourd'hui, on est sur à peu près 35 individus hein, en moyenne qui occupent hein, ce site hein, autour de l'île de Sein. Et en fait, on est sur une surface de quelques kilomètres carrés, 10-15 kilomètres carrés. Donc c'est extrêmement réduit. L'espace occupé par les grands dauphins forme ce qu'on appelle le domaine vital. Donc on va trouver un endroit où ils vont aller manger, se nourrir. Il va y avoir des endroits en fait plus calmes où ils vont se reposer. Après il y a les zones de transit, les déplacements pour aller d'un endroit à un autre. Et puis des endroits où en fait il y aura plus voilà des interactions sociales entre les individus. Donc évidemment il faut optimiser l'alimentation. Les endroits où ils vont se nourrir, où ils vont chasser, sont bien définis, bien identifiés. Ils savent à quel moment en fait c'est intéressant d'aller chasser à cet endroit-là, parce qu'il y aura plus de courant, parce qu'en fait, finalement, il y a pas mal de passages de poissons à telle période de l'année plutôt qu'à telle autre. Parce que, voilà, en tout cas, il y aura un succès dans le temps consacré à l'alimentation. En plus, les périodes où ils viennent se reposer à l'entrée du port de Sein, c'est l'été, essentiellement l'été. Alors que c'est là où il y a le plus d'activités hein, nautiques, puisqu'en fait, le port de Sein, c'est aussi un lieu où en fait, les bateaux de plaisance, les voiliers viennent faire escale hein, l'été, hein, quand ils passent, font leur périple voilà, le long des côtes de Bretagne. Il y a aussi plus de navires hein, qui font le lien avec le continent, et c'est là où il y a le plus de rotation, en fait, finalement, sur ces bateaux-là. Bon, voilà, il y a beaucoup d'activités l'été. Et puis une chance aussi, c'est que finalement, on n'est pas sur une activité de plaisance bruyante. Il n'y a pas tant que ça d'embarcations type Zodiac ou jet ski. On entend vraiment en fait, le bruit du moteur sous l'eau. Et puis c'est agressif aussi voilà, par rapport au comportement de l'embarcation à la surface pour les animaux. Les gens de l'île de Sein, quand ils traversent la zone où les animaux se reposent, ils ont leur cap, ils passent. Et finalement, les dauphins ont intégré ça aussi dans leur environnement. Mais peut-être que l'on partait de loin, voire de très loin, de figures très importantes de chercheurs américains, comme ce pionnier des neurosciences animales, feu John Lilly. Il avait une relation tout à fait particulière aux dauphins, qui étaient alors des sujets d'expérience. L'intérêt que je porte aux mammifères aquatiques remonte à 1949, année où un orage tropical s'abattit sur la Nouvelle-Angleterre. Le lendemain de l'orage, George Austin, le neurochirurgien, et moi-même, John Lilly, nous parcourons le Herald de Boston à l'heure du déjeuner. La dernière ligne de l'article sur l'orage dit « Une baleine s'est échouée sur la côte à Bideford Pout, dans le Maine. » Immédiatement, nous nous mettons à discuter des possibilités de récupérer le cerveau de cette baleine, car nous voulions savoir s'il est vrai que le cerveau de ces animaux est très développé, beaucoup plus même que le nôtre. Nous avons alors tous une certaine expérience des recherches neurophysiologiques sur les cerveaux d'animaux variés, comme le chat, le chien, le singe, le porc, le mouton, le chimpanzé, le rat, le sagouin et le marmouset. J'embarque dans ma voiture tous les appareils électroniques et suffisamment d'anesthésiques pour endormir tout le personnel de Marineland. Plusieurs animaux sont mis à notre disposition. Nous plaçons un dauphin sur une civière et le sortons de l'eau. Nous procédons comme s'il s'agissait d'un chimpanzé dont nous devrions examiner l'encéphale. Nous avons prévu de lui donner une dose d'anesthésique suffisante pour qu'il perde conscience pendant plusieurs heures. Certes, nous nous apercevons que cette méthode n'est peut-être pas la bonne, mais c'est ainsi que nous avions l'habitude de travailler. Les 30 minutes qui suivent l'injection sont extrêmement pénibles pour tous. Nous voyons la respiration de l'animal s'arrêter et finalement son cœur cesser de battre. L'animal est mort dans des conditions anormales. Ceci ne coïncide absolument pas à nos connaissances antérieures. Peut-être peut-on espérer que les delphinariums ferment peu à peu, ou pour le moins, cessent d'être des lieux d'attraction pour devenir pleinement des lieux de conservation et de connaissance. En attendant, Birgitta Marcera est responsable, depuis son ouverture en 1989, du delphinarium du parc Astérix. Là, il y a un dauphin qui était là à l'origine, ou il y en a... Oui, Guama, et c'est le premier dauphin qui est entré dans le delphinarium. Et donc, Guama, le mâle, il est là depuis. Je pense que c'est nous dauphins qui connaissons plus de comportements qu'on a pris. Ah oui? Ouais, il adore ça. Et alors, lui, c'était un dauphin qui, avant, était en milieu naturel? C'est ça. Dans le temps, on pouvait encore prendre des dauphins dans la mer. Donc, il est arrivé de la mer de Cuba. Maintenant, ça fait 20 ans qu'on ne fait plus rentrer des dauphins sauvages en Europe, que c'est très bien. Les naissances, ça marche très bien dans des delphinariums. Et pour gérer les génétiques, on fait des échanges entre le delphinarium. Donc du coup, les dauphins en captivité maintenant n'ont jamais eu de contact avec le milieu naturel, non. Sauf ce dauphin-là? Ah oui, non, aucune. C'est que des dauphins très âgés. Nous, on a 3 dauphins et ils sont tous les 3 plus que 35 ans. Donc, ils viennent le maire, tous les jeunes dauphins ou même le dauphin. Nous, on a Aya qui a 22 ans et elle est née ici dans le bassin. Là, tous les dauphins sont là. Il n'y en a pas un qui fait la tête de son côté. Pas aujourd'hui. Ils sont tous l'air d'être tout à fait en forme. Après, ça se peut, hein, ça peut. On a Bailey qui est là avec Stéphane. Elle ne fait pas la tête, mais c'est une coquine. Elle essaie toujours d'embêter les autres dauphins, et tricher, et se cacher quand c'est quelque chose qu'elle amuse pas trop. Par contre, elle est là quand il y a quelque chose qu'elle aime bien. Et elle est très, très coquine. Et c'est fini. On a remballé les poissons. Oui. Quand elle n'observe pas les grands dauphins sauvages des Bahamas au cœur du Wild Dolphin Project, Fabienne Delfour, chercheuse en éthologie expérimentale à Paris 13, est, dans l'Oise, la responsable scientifique du delphinarium. Quand je monte un protocole, j'ai des partenaires qui vont un jour accepter l'expérience, parce que voilà, ils sont disposés, parce que peut-être ils n'ont pas autre chose à faire. Et puis il y a une autre fois, leur vie sociale les préoccupe, ils n'ont pas envie. Ou alors, ils vont proposer des alternatives. Par exemple, ça a été une expérience qui sur la communication symbolique, on utilisait des symboles visuels qu'on avait placés à l'extérieur du bassin et on demandait aux soigneurs de montrer un symbole pour demander à l'animal d'aller chercher un objet ou de faire une action. Et en fait, ça les a barbés très rapidement et ils nous ont signifié leur ennui et leur frustration en refusant de venir participer à l'expérience. Aya, elle, nous a testé pendant cette expérimentation. Donc, quand le symbole était d'aller chercher, par exemple, un cerceau dans le bassin, c'est elle qui a ramené tous les objets à part le cerceau. Mais c'est autant d'informations sur les capacités des animaux. Et en fait, je trouve même plutôt ça positif. Parce qu'ils ont compris qu'avec, dans cet environnement-là, au delphinarium du parc Astérix, ils pouvaient aussi être des expérimentateurs. Et tester aussi une communication. La communication, elle est bidirectionnelle. Hein. Et là, en fait, ce que nous montrent les dauphins du parc Astérix, c'est qu'eux aussi, ils ont droit à la parole, ils prennent la parole, et cette parole, elle est entendue. Avec toute cette ambiguïté d'être quand même dans un milieu captif. Avec cette ambiguïté d'être dans un milieu captif. Donc, pour ôter cette ambiguïté, c'est aussi chercher à trouver des moyens objectifs qui me permettent de savoir si ces animaux vivent bien la situation. Donc il y a des travaux qui se focalisent sur le bien-être des dauphins. Et donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces animaux-là, ça fait la troisième, la quatrième génération qui est née dans ces conditions-là. Il y a eu des processus d'accommodation, il y a eu des processus d'assimilation. Ça ne veut pas dire qu'il va la vivre bien, voilà, ipso facto, mais est-ce que effectivement, je peux déterminer de manière objective que l'animal n'est pas en mal-être. Et donc là, ce sont les travaux que j'ai dirigés ces dernières années. Mais il faut baisser à quelqu'un pour les hommes. Il faut qu'il y ait deux personnes. Si tu veux, je commence par l'échographie abdominale. On peut le faire à deux. On va prendre position au bord du bassin. On va mettre nos jambes à l'intérieur du bassin et les dauphins vont venir s'allonger sur nos jambes. On va lui mettre la tête à gauche. Voilà. Elle va venir se poser sur nos jambes. C'est bien ma championne. Et on peut appliquer la sonde voilà, directement sur le corps de l'animal. Vous voyez, on peut même la nourrir pendant qu'elle est en position. Elle peut respirer en sortant les vents de l'eau. Je m'appelle Mathieu Mélin, je suis vétérinaire au parc Astérix depuis une dizaine d'années. Je travaille dans une clinique dans l'Oise et je me rends sur le parc tous les jeudis matins pour des visites de routine et en cas d'urgence évidemment je suis disponible pour les dauphins. L'animal numéro 8 est immobilisé de la même façon que les précédents. Nous introduisons des électrodes dans son cerveau et nos recherches commencent. En dépit de sondages patients et attentifs dans plusieurs zones de l'encéphale, nous n'effectuons aucune découverte spectaculaire. Il n'y a qu'une zone faiblement sensible. C'est alors que l'animal fait une expérience sur moi. J'essaie de lui faire émettre un sifflement à hauteur de chaque son que j'envoie dans un haut-parleur. Soudain, je n'entends plus rien, mais je vois toujours les vents se contracter. Je comprends qu'il émet des sifflements à une telle fréquence qu'il m'est impossible de les percevoir. Je cesse alors de le récompenser de poissons, et à ce moment-là, il ne sort plus que des sons audibles dans mon échelle sonore. Il a déterminé les limites de mes possibilités et il s'y tiendra pendant les heures qui suivront. Ce sont des expériences comme celle-ci qui nous permettent d'espérer que ces animaux essaieront de nous faciliter la tâche et de faire au moins la moitié du chemin qui nous sépare. Nous avons gardé cet animal immobilisé pendant plusieurs jours dans un bassin d'eau courante. Il frissonne constamment. Dès qu'il est replacé dans le bassin avec les autres dauphins, il émet des signaux de détresse. Il continue ce manège pendant plusieurs heures avant que l'animal numéro 8 ne meure. Cet épisode nous fait soupçonner l'existence d'un langage très complexe entre les animaux. Alors, les dauphins, ils ont un grand cerveau. Alors, c'est pas tant la taille que la construction du cerveau. Ce qui est important dans le cerveau des animaux, ça va être les circonvolutions, donc c'est-à-dire tous les replis du cerveau, ce qui va permettre de faire des connexions. Et c'est l'empan aussi qui est réservé au traitement de l'information acoustique. Donc c'est rien qu'en regardant la structure anatomique, on comprend que si on fait l'impasse sur l'acoustique, on va avoir des difficultés à comprendre ce qui se passe dans la tête de ces animaux. Alors il y a plusieurs types de sons qu'émettent les dauphins. Il y a trois types de sons. Les dauphins donc émettent des clics, qui sont les écholocalisations, qui servent à la navigation, à se repérer dans l'environnement. Et après, on a des sons qui sont essentiellement enregistrés dans des situations sociales, donc des sons pulsés en rafale, qui ressemblent à des crissements, à des jappements, à des claquements parfois. Et on a la dernière catégorie, qui s'identifie très facilement à l'oreille humaine, qui sont les sifflements. Donc trois catégories, les clics, les sons plus en rafale et les sifflements. On écoute ? Oui. Top. On est le 13 février, il fait beau. On est à peu près vers midi. Ils sont où ? Je vais vous faire découvrir. Hein. Je sais où ils sont. On y va ? On y va. En route ? On va longer l'île de Saint par le côté nord, par son côté nord, et rejoindre la chaussée de Saint, c'est-à-dire l'ouest de l'île. Et l'île est prolongée par une chaussée de cailloux émergents jusqu'à Armen. Et donc ça, c'est un endroit absolument incroyable dans lequel naviguer est quand même pas facile. Et surtout avec des conditions, aujourd'hui, on ne sait pas si ça va être vraiment possible. Mais bon, faut aller voir, faut s'en rendre compte vraiment. C'est vraiment l'endroit privilégié pour les grands dauphins. Quand on va arriver sur zone, en fait, on va ralentir. Ça, c'est important quand on va commencer à repérer quelques avirons qui sortent de l'eau. Là, on ralentit pour vraiment limiter le dérangement. On va approcher tranquillement. Et après, en fait, quand on va être assez proche, en général, on définit une zone de 300 mètres à peu près. Là, on commence à se positionner. C'est-à-dire qu'on ne va pas couper la route des dauphins s'ils sont en déplacement. On va se positionner plutôt sur le côté. Et puis, on va garder une vitesse qui fait qu'on va s'adapter. S'ils changent de cap, on va garder cette position en fait plutôt... Les plus armés sur un des côtés du bateau et puis être attentif à leur comportement, à ce qu'on dérange ou pas, et à ce moment-là on adapte après la vitesse aussi. C'est assez difficile d'accès. En fait, c'est un privilège hein, d'aller dans la chaussée, je vous le dis. Hein. C'est très rare que les gens fréquentent cet endroit-là. Ça bouge bien. Là, on est encore à l'abri. On est à un rocher de zone qui se coule sérieusement. Et là, en fait, il y a une remontée de fond juste là. Et il y a un passage. Là, on voit, c'est plus calme. Hein. Parce qu'en fait, là, on a un peu plus de fond. Mais sur cette zone-là, il y a très peu de fond. Et donc, quand le courant arrive, là, en plus grand, courant. En fait, ça monte tout de suite. La mer, en fait, grossit très rapidement. Voilà. vous en connaissez individuellement, les dauphins ? Les travaux que j'ai menés sur les grands dauphins, j'ai toujours veillé finalement à ne pas être intrusive dans leur mode de vie. Souvent, on me disait, oh, t'as dû nager avec les dauphins, les toucher. Absolument pas. J'ai étudié une population sauvage et l'objectif, c'était qu'à la fin de mon étude, et même encore aujourd'hui, j'ai très peu modifié leur trait de vie. C'est-à-dire que j'ai été en mer peut-être des heures, des jours à les observer, des mois, des semaines. Mais je n'ai pas modifié finalement leur histoire de vie. Je n'ai pas impacté ce qui s'est passé dans leur organisation sociale, dans leur répartition spatiale, dans la manière dont ils ont réalisé l'ensemble de leur activité. Donc je les connais individuellement, je suis capable de les reconnaître individuellement grâce à la photo-identification. En fait, ce que l'on fait, c'est que les grands dauphins ont une particularité, un endroit qui sort régulièrement de l'eau quand ils viennent respirer, c'est l'aileron. Et une chance, cet aileron, en fait, régulièrement, il s'abîme. Et donc là, on voit des marques apparaître en cours du temps, des traces de dents, des encoches, donc qui cicatrisent mais ne se régénèrent pas. Et en fait, ce que l'on fait, nous, quand on est en mer et qu'on observe des grands dauphins, on photographie ces ailerons. Dès qu'ils sortent de l'eau, on photographie. Et on fait ça à chaque fois. Donc sur une période, en fait, de plus de 20 ans. Et aujourd'hui, en fait, on a encore certains individus qu'on a observés même dans les années 80-90, on les retrouve encore certains aujourd'hui. Aujourd'hui, le groupe de 1200 augmente au niveau effectif. C'est un bon indicateur de l'état écologique du site. Parmi les questions, c'est comment le groupe va s'organiser. Donc, ils vont devoir se séparer, se morceler. Comment vont se former les différents sous-groupes ? Est-ce qu'on va être sur une organisation là aussi très matriarcale ? Et est-ce que du coup, une partie du groupe va devoir quitter le lieu, cet espace-là, pour aller chercher un autre endroit ? Quel va être le seuil, à partir duquel il va falloir qu'il y ait une partie du groupe qui aille ailleurs, parce que ce n'est pas possible. La survie de l'espèce ne sera plus assurée, parce que le lieu ne produit pas assez pour nourrir en fait tous ces individus. Peut-être que ça et là, le long des côtes atlantiques, vous avez entendu parler de dauphins solitaires comme Randy, ou de nageurs solitaires comme Tino. Bref, d'individus solitaires qui auraient noué des relations tout à fait singulières. Comment on décide de nommer un dauphin ? Comment vient ce nom, ce prénom ? Alors, Donny, je crois que c'est les Anglais. Ça vient des Anglais. Donny, Randy, tout ça, je crois que ça vient des Anglais. Zafar, c'est même pas sûr qu'il s'appelle Zafar. Bon, en général, on privilégie l'appellation la plus ancienne. Je sais pas, Jean Floch, c'est pareil, c'est un nom qui a été donné probablement en liaison avec Jean-Louis. Jean-Louis, Jean Floch. Les Jean-Louis, ici, c'est les Jean-Louis, c'est les requins. Ah bon ? Dans le langage de pêcheur, hein, Jean-Louis, c'est... chez les pêcheurs bretons, en tout cas, bon, pas ici, parce qu'il n'y a pas trop de requins, mais les pêcheurs bretons, il y en a partout. Hein, Jean-Louis, c'est un requin. Randy, vous le reconnaissez comment ? De toutes les manières, tous les dauphins solitaires, ils sont reconnaissables instantanément parce qu'ils ont des comportements particuliers. Bon, lui, il a sa cicatrice sur l'aileron. À l'avant d'aileron, qu'avec une bonne photo, on peut le reconnaître sans problème. Autrement, Randy, il va rester en général, ça va s'installer près d'une bouée et dormir près d'une bouée. Il va éventuellement aller se faire caresser le ventre près d'un ponton. Ça, c'est une de ses caractéristiques. Si on voit un dauphin se faire caresser le ventre, c'est Randy ou Donny. Pas besoin de voir son aileron. Maintenant, Zafar, lui, il est plus interactif. Tandis que Randy n'est pratiquement pas interactif avec les plongeurs. Il se laissera approcher s'il se sent en sécurité, mais il n'ira pas jouer. Alors ça veut dire quoi, il joue ? Il joue, c'est-à-dire qu'il va non seulement se laisser toucher, approcher, mais participer à des interactions qu'on lui propose, ou éventuellement suggérer des interactions. Par exemple... ça, je parle de Jean Floch parce que Jean Floch était un dauphin qui était extrêmement interactif. Et il avait des interactions préférées. Notamment, il adorait les bouts de chaîne, les bruits de sonnerie, et il adorait la mécanique. C'est-à-dire qu'il était fasciné par une hélice de hors-bord qui tournait, par un gouvernail qui pouvait bouger, etc. Et moi, je me souviens comme ça, du côté de Brézélec, Jean Flo qui venait me chercher au bord. Et alors, quand je voulais faire mon crâneur, je me mettais en dessous et j'attrapais en dessous les deux ailerons sur le côté. Comme ça, je disparaissais complètement. Et alors, Jean-Floc, à ce moment-là, il pouvait accélérer. Moi, je me tenais bien aux deux ailerons. Il m'amenait directement à sa bouée avec les chaînes. Et là, bah, charge de revanche, il fallait que je remue les chaînes pendant 5 minutes pour respecter la règle du jeu, pour être correct. Hein. Mais ces dauphins comme ça qui vraiment initient, qui proposent des jeux, pour l'instant, j'ai vu que Jean-Floc. Hein. Que des mâles. Jean-Louis était une femelle, je crois bien. C'est des dauphins qui s'expatrient d'une certaine manière, et ils ont quand même une personnalité probablement plus forte que les autres. En tout cas, qui peut s'exprimer en dehors du groupe. Pas toujours sympathique, hein, parce qu'on a eu quelques années, il y a Clète, qui était un dauphin pour moi qui était moins intéressant que les autres, parce qu'il a viré uniquement sexuel. Quoi. Les interactions, bon, moi ça ne m'intéresse pas. Quoi. Donc on peut tout avoir, on peut tout avoir. Là on est en train d'entrer dans la coursive. C'est un miroir assez grand. Ce qu'on veut voir, c'est la réaction des animaux. Et on a un miroir sans teint, donc qui nous permet vraiment d'avoir le comportement en direct. Il y en a qui vient se regarder. T'as Bailey qui arrive. Je les entends siffler derrière la vitre. Ça, c'est Baya qui vient de jeter un coup d'œil. Donc nous, on est cachés, en fait, là, derrière le miroir. Là, ça nous permet, grâce à la vitre sans teint, d'avoir le comportement des dauphins sans qu'ils nous parlent. Donc on a réalisé nos expériences de cette manière. Donc on savait qui venait, comment, qu'est-ce qu'ils faisaient. Hop. Baya, Femke. Oui, elle regarde. Ouais, elle regarde beaucoup. Enfin, on peut bêtement penser qu'elle s'admire, mais... Elle s'examine. Elle s'examine. Ouais, ouais. Bon, mais ils savent quand même qu'on est derrière la vitre. Oui, oui, on s'attend, très bien. Ouais. Ouais. Baya. Mais on voit à l'œil, vraiment. Ah oui. Voilà. Alors ça, c'est caractéristique de la reconnaissance de soi. Ils vont faire émission de bulles en regardant le miroir. Frontalement, devant le miroir, oui. Elles se regardent. Oui. Donc au début, c'est des mouvements de tête répétés en regardant ce que fait l'autre dans le miroir. Et là, l'émission de bulles, ça aussi, c'est caractéristique. Donc, c'est je produis un mouvement, je contrôle cette action-là, et je regarde si l'autre fait ça de manière synchrone ou pas. Et parfois, ça se termine par je ramène un objet que j'ai trouvé dans le bassin, et une fois que j'ai vu que c'était ça, l'autre avait le même objet, c'est terminé, il n'y a plus d'intérêt vis-à-vis du miroir. Ah oui? Pour voir aussi les objets ou... Oui, ça permet de vérifier que c'est bien eux qui y voient. Mais bon, ça c'est caractéristique. C'est des séquences vraiment très très courtes. Peut-être aussi, fallait-il que Fabienne Delfour ou que son amie Diana Reis, spécialiste des comportements animaux à l'université de la ville de New York, démontre aux humains que les individus dauphins avaient conscience d'être des individus dauphins. On doit d'ailleurs à Diana Reis des contributions très importantes à ce sujet. Diana Reis, vous travaillez en lien avec Fabienne Delfour et vous avez prolongé aussi ce travail sur le test miroir dernièrement. Il y a plusieurs années, on a montré que les dauphins, comme nous, peuvent se reconnaître dans un miroir et peuvent s'en servir comme un outil pour se regarder. Qu'est-ce que ça veut dire la reconnaissance de soi? Alors, quand vous mettez un miroir devant un humain ou devant une autre personne non humaine, nous regardons leur comportement et nous regardons aussi comment ce comportement change au fil du temps. Donc, pour un individu qui n'a aucune expérience préalable avec un miroir, il va peut-être essayer de toucher le miroir, de regarder derrière. D'habitude, il montre en premier un comportement social. C'est ça la première étape. Ensuite, vous voyez que ce comportement change. Et là, vous voyez que l'individu commence à faire des comportements répétitifs devant le miroir. Et c'est ça qu'on appelle le test de contingence d'action. Comme s'il vérifie ce que fait l'autre. Et c'est là où ils se disent, tiens, ah, ça, c'est moi. Et donc après cette deuxième étape, ils se rendent compte qu'il y a une correspondance entre leur comportement et le comportement de l'autre. Et c'est là où ils passent à la troisième étape qu'on appelle le comportement autodirigé. Ils se servent du miroir comme un outil pour se voir eux-mêmes. Ils se regardent peut-être leurs yeux de très près. On a vu des animaux qui souffrent la bouche, qui font bouger la langue. Les dauphins n'ont pas de main, donc ils ne peuvent pas se toucher la langue. Mais les dauphins sont curieux, comme nous, de voir des parties de leur corps. On a même vu des dauphins regarder leur partie génitale en les approchant du miroir. Que ce soit des animaux vivant en milieu naturel ou dans les parcs marins, on a des individus qui ont un nom qui leur est propre. Donc moi je m'appelle Fabienne Delfour. Delfour, je l'ai hérité de ma famille. Et Fabienne, c'est mon individualité. Et on va retrouver ça chez les dauphins. Donc on a des individus qui ont leur propre nom en sifflement. Et rien qu'à l'oreille, et en regardant sur le spectrogramme, donc qui permet de faire dérouler ces productions sonores, on peut remarquer s'il y a des sifflements qui sont proches les uns des autres. Et à partir de là, trouver des clans familiaux, rien qu'en regardant le spectrogramme. On peut écouter Aya ? Oui. Donc là, on a le signal d'Aya qui a été émis. Et là, vous avez le sifflement d'Aya. Et la particularité de ce sifflement, c'est son sifflement signature. C'est-à-dire, quand on l'a appelée, elle a donné son nom en dauphin, qui est ce fameux sifflement signature. On écoute donc Lia, la fille de Aya. Top. La même chose. Donc au début, on a entendu le son, le signal d'appel. Et puis, vous avez eu le sifflement qui a été produit par l'IA. Et la structure du son de la fille et de la mère est extrêmement proche. C'est ça aussi qui est intéressant, parce que dans la signature sifflée, on a l'appartenance à une famille qui se traduit par un signal qui est proche. Et donc là, on entend bien que le signal de l'IA est proche de sa mère, Aya. Je me rappelle d'un détail lors du passage de Lizzie et Baby à Saint-Thomas, le 16 avril 1960, alors que nous venons de les placer dans les deux bassins différents. Un magnétophone enregistre alors les sons émis par les dauphins grâce à un microphone aquatique placé dans le bassin. Il commence à se faire tard. Nous sommes épuisés et la mauvaise humeur nous gagne. Je commence à m'inquiéter au sujet de Lizzie qui ne mange rien. Quelqu'un me dit alors que je vais être en retard pour le dîner si je ne viens pas immédiatement et ajoute d'une voix forte « Il est 6 heures. »« It's 6. » Quelques secondes plus tard, Lizzie dit très fortement une phrase d'apparence humaine dont la signification a intrigué beaucoup d'entre nous. Ce pourrait être une copie médiocre de « Il est 6 heures. »« It's 6. » Pour moi, ça ressemble plutôt à « This is a trick. » »« Ceci est un piège. » prononcé dans une sorte de sifflement. Telles seront les dernières paroles de Lizzie que nous retrouvons morte le lendemain matin. Notre déception est immense. La perdre juste au moment où elle commence à parler. Je pense que là, on est allé au bout de la vanité humaine, c'est-à-dire d'imaginer que toutes les espèces animales allaient pouvoir communiquer, mais à notre manière. Des phrases, des mots. Des mots anglais. Parce que c'est bien connu que les dauphins parlent anglais. Donc, Après, ça correspond à un questionnement de l'époque. On peut effectivement traiter les individus comme du matériel d'expérience. Donc, c'est comme si vous aviez votre tube à essai numéro 1, 2, etc. Et puis, vous avez aussi des chercheurs qui ont décidé de considérer le sujet à part entière et de nommer ces animaux-là. Moi, je travaille avec Aya, avec Beauty, avec Guama. Je ne travaille pas avec Dauphin numéro 1, 2 ou 3. Et en faisant ça, je reconnais aussi que ces animaux ont des singularités. Ils ont des histoires, ils ont des biographies. John Lilly, vous l'avez rencontré ? Oui. J'ai grandi avec l'image du chercheur. Voilà. J'en garde pas un grand souvenir. Comment il a fini ? Pas si bien que ça, en fait. Pour moi, quand je l'ai rencontré, il avait plutôt la stature d'un gourou avec ses adeptes autour. Et voilà, il y avait la pensée de Lily et on croyait ou pas à cette pensée-là, mais on n'avait pas du tout d'esprit critique par rapport à ça. On va quand même pas être obligé d'aller voir Andy quand même. Un dauphin, on en a deux en fait. On a des dauphins dressés là, dans le coin. Enfin, on pense à être dressés parce qu'ils font des choses qu'on voit pas en général chez l'espèce sauvage. Quoi. Nager sur la caudale, c'est un truc. À part dans les Marineland. Et pourquoi vous pensez qu'il est dressé ? Ben parce que. C'est typiquement le comportement qu'on voit chez les animaux dressés. Et il y a des animaux dressés. La marine US utilise des dauphins de combat. Moi j'ai vu dans des congrès la marine US donner des explications sur comment ils font. Ils arrivent en Zodiac et il y a 4 surfers qui les suivent. Hein. Et ils mettent un matelas en travers du bateau, le dauphin saute sur le matelas, ils l'équipent de tout ce qu'ils veulent, tout un tas de matériel. Et après ils disent allez va chercher, si, ça. Et donc ils sont dressés à s'approcher des systèmes de propulsion, à porter du matériel, des équipements. Et c'est des petits ursiopes qu'ils ont sans doute capturés comme ça. Sur la vague. Aperçu qu'ils avaient des routines très très marquées et c'est une vie extrêmement routinière en réalité qui est calée sur les périodes de chasse, périodes d'interaction sociale et dans des zones vraiment bien identifiées et finalement assez petites. Alors là on scrute à la recherche d'un aileron quand la mer est hachée comme ça. C'est pas si simple à distinguer. Et le soleil en fait perturbe la vision. C'est-à-dire, on a l'impression de voir parfois des scintillements en se disant ça peut être un aileron qui sort de l'eau. Donc il faut vraiment bien se concentrer et bien scruter. Couple ? Non, là c'est pour moi c'était deux ados quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment des subadultes. Deux subadultes, ils nagent ensemble, comme s'ils nageaient vraiment de la même manière. Oui, après, vu la mer, l'état de la mer, c'est quand même extrêmement agité. Là, c'est vrai qu'ils ont vu entendre le bateau et puis ils sont venus voir. Et là, on voit tout de suite qu'ils sont partis. Alors, si c'est un groupe fermé, il n'y a pas des problèmes de passage génétique ? C'est quoi l'hypothèse ? Ça, c'est une vraie question pour le groupe de Lune de Saint. Est-ce que la reproduction se fait entre les individus résidents uniquement ? Ou est-ce que l'autre hypothèse, c'est le passage de grands dauphins, cette fois-ci pélagiques, c'est-à-dire des groupes de grands dauphins de la même espèce, mais l'autre type écologique qui vit plus au large ? Et qui passe parfois à proximité du groupe président de l'île de Saint. Et à ce moment-là, on peut imaginer qu'il y ait des rencontres furtives. Furtives, c'est un mot pique. Chez les mammifères, le viol a été caractérisé il y a longtemps hein, déjà. Alors on l'a observé plutôt chez des mammifères terrestres. Et c'est des choses que l'on observe hein, assez régulièrement hein, chez les dauphins. Et puis également, il y a aussi des accouplements entre mâles. Hein, ça aussi, l'homosexualité, de la même manière, a été observée il y a de nombreuses années chez les mammifères terrestres. Et on a la même chose en fait chez les mammifères marins. Mais elle peut être consentie. Mais elle peut être consentie, tout à fait. L'homosexualité peut être consentie. C'est aussi une manière d'apprendre la sexualité pour les jeunes mâles dauphins. Pour moi, la meilleure technique d'approche, c'est ce que j'appelle la fausse fuite. Il faut faire semblant de partir. Tous les mammifères marins, en fait, il ne faut jamais aller vers lui. Il faut le faire semblant de partir. Et à ce moment-là, celui qui vient, il est en sécurité. Mais avancer vers un dauphin, surtout si on ne le connaît pas, on ne contrôle rien. Ça peut être dangereux. Quand on plonge avec Jean-Floc, on ne comprend pas tout, des fois. Et là, un jour, une fois, il voulait me faire comprendre quelque chose. Il m'a tapé, pas fort, mais avec le rostre. Donc, ce n'est pas un accident. Hein, il m'a tapé avec le rostre sur la tête. Ben, instantanément, il a fait un demi-tour. Il s'est mis à côté de moi et il m'a fait un câlin en venant appuyer sa tête contre la mienne. Il fait une chose qu'il n'avait jamais faite avant, qu'il n'a jamais refaite après. Ça, on retient. Pour moi, pour l'instant, il n'y a que Jean-Floc qui est arrivé, en tout cas avec moi, à ce niveau-là. Quoi. Mais je n'ai pas mauvais espoir pour Zafar qui a des dispositions. Donny, j'ai pas mal plongé avec Donny aussi. Il se laisse faire, mais il joue pas trop. Donny était beaucoup plus visuel. Hein. Lui, ce qui lui plaisait, c'était les mouvements d'algues, tout ce qui est visuel, tout ce qui est sonnerie, c'était pas trop. Et en plus, Donny, il avait une particularité, c'est qu'il reconnaissait, je ne sais pas comment, les plongeuses. Il devait y avoir un genre d'odorat, puisqu'il paraît que les dauphins n'ont pas d'odorat. On va quand même appeler ça un odorat, parce que c'est ce qui ressemble le plus pour nous. Et une plongeuse qui mettait son pied dans l'eau, même avec un bottillon, il venait la chercher. À l'île de Sein, il y a quelques années encore, il y avait deux jeunes filles sur un kayak, il y avait Donny dans l'eau, qui était à côté, mais qui approchait pas, il n'arrivait pas à le caresser. Je me souviens leur avoir dit, ben, vous mettez un pied dans l'eau, il va venir. Et ben, ils ont mis un pied dans l'eau, elles n'osaient pas trop, parce qu'il est quand même gros, Donny aussi, hein, puis c'est un peu impressionnant, ils ont mis le pied dans l'eau, ben, il est venu se faire caresser. Il est encore un petit peu attiré. Il a longtemps été beaucoup plus attiré par les femmes que par les hommes, mais il reste encore un petit peu attiré, sans que ce soit vraiment des jeux avec des plongeurs. Comment on sait que les dauphins ont des émotions ? Alors, comment on sait que les dauphins ont des émotions ? Alors là, on a besoin de 10 heures. Ben voilà, sur les personnalités, sur les tests des biais cognitifs, je vais savoir que j'ai des animaux qui sont plutôt optimistes ou des animaux qui sont plutôt pessimistes. J'ai des animaux qui sont extravertis, d'autres qui sont introvertis, des animaux qui sont curieux, des animaux qui aiment ou n'apprécient pas les caresses de l'humain. Voilà, c'est quand même une foultitude d'informations qui nous permet de savoir à qui j'ai affaire. Et une fois que je sais à qui j'ai affaire, si je suis désireuse de rentrer en lien avec cet animal et respectueuse de ce qu'il est en train de m'offrir comme renseignement sur lui, je pense que là, je peux construire une relation. Il y a des situations aussi qui sont assez bizarres, extraordinaires, émouvantes. C'est par exemple des situations de deuil. Donc on va avoir des femelles qui ont perdu leurs petits et qui pendant des jours vont nager en poussant le cadavre de leurs petits. Après, on a des situations, au contraire, positives, où on a des naissances, où on a des femelles qui montrent des comportements maternels totalement différents. On a des mères qui sont extrêmement permissives et d'autres qui sont extrêmement basées sur la discipline. On a aussi, en termes de vocalises, on a des vocalises qui signifient l'excitation positive. Donc, tout ça, ce sont des témoignages qui nous permettent de suspecter à la possibilité d'avoir accès à une vie émotionnelle chez ces animaux-là. Et puis après, on peut mettre en place des dispositifs expérimentaux qui vont nous permettre de révéler quelles sont les émotions des animaux. Comment on s'en sort en tant que scientifique entre une interprétation humaine et ce que possiblement les dauphins peuvent nous montrer ? Je pense que toutes nos interprétations sont humaines. Et ce n'est pas anecdotique, on fait des études systématiques. Et ce qui est beau avec le miroir, c'est que c'est un outil très simple qui reflète mais littéralement le processus cognitif du dauphin. Comment il traite des informations en allant d'une étape à une autre. Et on voit le comportement changer tout le temps. Et changer en fonction de comment eux ils interprètent leur comportement. Et c'est ça, selon moi, qui fait l'élégance de ces études avec le miroir. Alors maintenant, vous faites face à l'intelligence animale. Oui, et je pense que chaque fois qu'on a une question sur l'intelligence animale, moi, de ma part, j'essaie toujours d'expliquer l'umwelt animal, leur monde, leur environnement. Donc, vous imaginez, vous vivez dans un monde complètement aquatique. Vous ne sentez pas, comme nous, les effets de la gravité. Vous vous déplacez dans les trois dimensions. Nous respirons très simplement. Les dauphins, eux, doivent penser à leur respiration. Une partie du cerveau est au repos, l'autre partie reste consciente. Ils ne dorment pas de la même manière que nous. Nous ne savons pas les implications de cela, mais ils ont un sommeil autre. Vous êtes constamment en contact avec les autres, même s'ils sont loin, mais sans téléphone portable. Ces animaux, les dauphins, ont un très grand cerveau. Et en fait, ils ont plus de gyrification, ce sont des plis de leur cerveau, qu'aucun autre animal, y compris les humains. Mais que font-ils de leur cerveau? Et c'est ça la question. Pendant très longtemps, on a supposé que l'animal vivait dans une immédiateté, c'est-à-dire il était incapable de se planifier dans le futur, de s'imaginer dans le futur, et comme il était incapable de se mémoriser des événements passés. Or, je pense que les travaux actuels montrent que c'est loin d'être le cas. Alors, on a des individus qui sont capables de nous donner, ou nous on est aussi capable de comprendre leurs émotions, mais ils sont aussi capables de nous les donner. Donc du coup on peut commencer à imaginer une forme de négociation. C'est une bonne question, mais je pense qu'on est en train de vivre une révolution. Et réellement, les questions actuelles qui sont posées en recherche permettent d'aborder cette question-là, de son statut, de ses émotions, comment on va respecter ces émotions-là. En fait, je pense que de tout temps, il a pris la parole, cet animal. Et je pense qu'il y a à l'heure actuelle certains chercheurs qui osent pénétrer dans cet espace qui n'appartient ni à l'animal ni à l'humain, mais qui est construit, c'est un entre-deux, un espace hybride, un espace qui est là, qui est plein de possibles. Le miroir des dauphins, un documentaire d'Aline Pénito réalisé par Gilles Mardi-Rossian. Merci à Philippe Lenillo et à toute l'équipe du parc marin de la mer d'Iroise. Avec Céline Liret, Philippe Lenillo, Birgitta Marcera, Fabienne Delfour, Mathieu Melin, Daina Reyes et Tino. Voix, Dominique Gould et Émilie Lechner. Prise de son, Fabien Gosset et Gilles Mardi-Rossian. Mixage, Pierrick Charles. LSD à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour nous réécouter au Parc Astérix, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Méji et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, les mystères du narval. Mais en attendant, restez à l'écoute. France Culture, pas si bête, Céline Duchesnay. Pas si bête, une chronique sur le monde sonore animal. Aujourd'hui, la langouste. Pendant longtemps, la langouste s'est appelée sauterelle des mers, mot dérivé du latin locusta, signifiant sauterelle. Mais elle possède un autre nom scientifique, celui de Palinuridae, qui nous plonge tout de suite dans le cœur de la mythologie romaine, aux côtés d'Énée, dont Palinure était un compagnon de voyage tombé à la mer. Étonnant destin que celui de ce héros qui a par la suite donné son nom à des animaux, aussi bien insectes que crustacés, car au début du XIXe siècle, les naturalistes classaient encore dans le même ensemble insectes et crustacés, tous deux bêtes à antenne. Les crustacés étaient peut-être alors considérés comme des insectes tombés à l'eau, on parle bien d'araignées de mer, tout comme notre héros, Palinure. Toujours est-il qu'aujourd'hui, les Palinuridae réunissent une seule famille de crustacés, celle des langoustes, dont la plus connue en France est la langouste rouge. Elles sont belles, ces langoustes rouges, orangées, et pas uniquement pour les mettre dans son assiette. Discrètes, on aimerait les observer davantage dans l'eau avec leur corps allongé d'une dizaine de centimètres, leurs longues antennes épineuses, leurs pinces atrophiées et cette étonnante queue terminée en forme d'éventail. Présentes dans les fonds marins, près des rochers où elles aiment se cacher, elles sortent régulièrement la nuit pour se nourrir, en marchant, à l'aide de leurs pattes ou en se propulsant en arrière en cas de danger grâce à de toniques contractions d'abdomen. Et justement, face à un danger, la langouste a une manière bien à elle de prévenir ses congénères. Elle stridule. Un son d'ailleurs audible à l'oreille humaine qu'elle produit grâce à un petit mécanisme de friction placé à la base des antennes, un peu à la manière d'un archer sur une corde dans un instrument de musique. Le message transmis n'est pas encore très clair pour nos oreilles humaines. Il semblerait que la langouste dise quelque chose comme ceci. Attention, danger, ne bouge pas. À moins que ce soit un message adressé à un prédateur pour lui faire peur et lui intimer l'ordre de déguerpir. Ou pourquoi pas ces deux messages transmis en même temps. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle produit ce son quand elle est stressée. Récemment, les bioacousticiens ont découvert que les langoustes produisaient ce même type de stridulation en ultrasons en présence d'autres congénères, sans pour autant savoir encore ce que se racontent les langoustes. Mais ces différents types de sons permettent aux chercheurs d'avoir des informations sur le repeuplement de cette population qui a beaucoup souffert de pêche massive due à leur grande valeur commerciale. Des hydrofaunes placés dans la mer permettent ainsi de s'intéresser à elles, de faire le suivi de ces crustacés sans les importuner ni les déranger. Pas si bête, une chronique de Céline Duchesnay, avec la complicité de Lucia Di Iorio, de la chaire Chorus de la Fondation Grenoble INP et de la Sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. Réalisation, Laurent Polleret.